Bitch. El dollar, ton gros cul est un spécimen rare. N'aie pas peur, je vais pas te la faire à la Francis Évrard. Branlito, branlito, mon gros chibre puant sans le tartare. Tenny bar, ouais, l'FBI, il me donne la barre. Je te drague, mais je te force pas la main. Mon plan de secours, la technique du bain. Versace, Versace, non, non, moi c'est Décathlon, Décathlon, car je suis ruiné. Je veux niquer une forumeuse, même un ton c'est juste pour le buzz. Un puceau qui fantasme, je pense qu'elle me veut vu qu'elle me fait la bise. Sinon je demande à un mec, un PD, genre Miligo. Il me sucera la bite sur le rythme du son. Ah, Migos, invite-moi à ton anniv, je me ramène avec des dizaines de poteaux. Des puceaux, qui passent leur putain de temps sur le fofo. Je te baise pas si t'as un trop gros front. Rihanna, Rihanna, regarde pas ma gueule, s'il te plaît, c'est un attentat. Oussama, Oussama. El dollar, ton gros cul est un spécimen rare. Je te baise, si je te donne des dollars, je pense que t'accepterais de niquer. À l'aise, branlito, branlito, mon gros chibre puant sans le tartare. Sa mère, ton vagin subit le fracas de mes boules. Maintenant voilà ton salaire. Ho ho ho. Ah. El dollar, branlito, branlito. El dollar, branlito, branlito. Ho ho ho.